aujourd'hui oui, j'ai fait une chanson, ça c'est très élégant. Un oiseau comme si disait entré par la fenêtre et parou. Je appelle pour mon chat. Oh tu veux pas, comment vas-vous? Actuellement, je viens travailler. La famille jouit d'une bonne santé. S'il vous plaît, o que você vai querer? Je veux des brioches et un café pour la journée. Pois agora já do sou meio que você.